Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau et dernier numéro consacré au RPG ED 2017. On est le 31 août, 31 questions, 29 vidéos puisque je n'ai pas commencé dès le premier jour ce challenge. J'ai appris beaucoup de choses, on va en parler je pense dans cette vidéo, puisqu'il reste quand même une question à traiter qui est qu'est-ce que vous anticipez le plus pour 2018 ? Alors on peut supposer que la question véritable soit qu'est-ce que vous anticipez entre septembre 2017 et août 2018, date à laquelle le nouvel épisode du RPGED reprendra. Et bien me concernant, j'anticipe et j'envisage beaucoup de choses, et beaucoup de changements surtout. Tout d'abord en termes de jeu. Les joueurs de ma table sont en train d'évoluer. En tout cas, la table de jeu est en train d'évoluer. En effet, on a déjà un ami qui est parti vivre à 200 km de là, que l'on voit revenir une fois par mois pour poursuivre notre campagne DD5, mais qui, d'ici la fin d'année, deviendra parent. Et on peut toujours s'interroger sur le fait qu'il ait véritablement envie de poursuivre l'aventure DD5 et faire 200 km alors qu'il aura à pouponner, ce qui serait tout à fait normal et naturel. Ensuite, un deuxième participant a eu aussi la bonne idée de devenir père il y a quelques jours. Je l'en félicite. Et de ce fait, on sait tous que lorsque l'on devient parent, en général, on a moins de temps pour jouer. Alors, c'est pas toujours vrai, mais ça fait quand même des changements. Et donc, rien que ça, sur une table de 4 ou 5 joueurs, ça change la chose et la donne. Donc effectivement, je reconnais que j'envisage et j'anticipe plutôt une diminution de mon activité rôlistique en termes de parties. Peut-être à tort, je l'espère, on verra bien. Et si c'est le cas, probablement une évolution de ma manière de pratiquer le jeu de rôle. Peut-être que une des manières sera de participer à plus de conventions. J'en fais très peu, mais peut-être que ça sera l'occasion effectivement de me déplacer un peu plus et de jouer avec différents joueurs, à différents jeux, même si je suis pas forcément très fan d'être joueur, mais en tout cas de rencontrer du monde, d'en discuter avec eux. Et ça sera peut-être l'occasion, justement, de découvrir plein de nouvelles choses. L'autre chose qu'on peut anticiper aussi, c'est que peut-être que ça sera sous un format plus numérique que je jouerai. Je parle via l'utilisation, par exemple, de parties utilisant Hangout ou Roll20, on verra bien. Mais pour cela, ça nécessitera également pour moi un changement d'espace de vie, puisqu'actuellement, c'est absolument impossible de jouer via ces modes de jeu. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer entre septembre 2017 et août 2018 ? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 29 vidéos, ça m'a énormément plu, j'ai appris énormément de choses. Et c'est vrai que vous avez pu voir l'évolution des vidéos, je pense, entre la première que j'ai pu publier en mode dogme, et avec une progression de, j'espère, la qualité de l'image et de la qualité sonore. Je dis peut-être pas forcément la qualité du propos, à vous d'en juger, mais en tout cas, je me suis pris au jeu, je reconnais m'être bien amusé, avoir appris plein de choses, avoir pu discuter avec des gens formidables, et je tiens par cette vidéo à remercier notamment Franck, mais également Julien et puis Jérôme. Toutes ces personnes étant liées forcément à des aventures rôlistiques, puisque je parle forcément du podcast anonyme, des voix d'Altaride et de Brand. Mais en fait, ça m'a vraiment plu de faire ça. Et je pense que d'ici septembre ou peut-être octobre 2017, effectivement, l'aventure va changer et va continuer, sous un autre format peut-être. Vous avez pu voir peut-être au cours du visionnage des vidéos que le nom de la chaîne YouTube a changé, puisqu'au départ c'était Jérôme Senpai, et que dernièrement, elle est devenue OpenJDRI. Puisqu'effectivement, je souhaite lancer, probablement au départ via une page Facebook et utilisant ma chaîne YouTube, ce podcast vidéocast, qui s'appellera donc OpenJDRI et dans lequel on parlera forcément de jeux de rôle. Je vous en dirai plus au travers d'une prochaine vidéo qui vous présentera un peu le concept. C'est un concept qui va être ouvert, justement, comme son nom l'indique, qui sera amené à évoluer, à changer, et où j'espère qu'on prendra plaisir à échanger ensemble. Sous deux formats, je le pense, à savoir des petites vidéos comme je peux le faire pour le RPG A Day, et probablement par un podcast un peu plus lourd. Sera-t-il sous le format podcast uniquement ou vidéocast en plus? Ça, c'est encore à décider. Mais je pense que pour cette aventure, je serai pas seul, en tout cas je l'espère. Et donc, voilà, pour moi, 2017-2018 sera le moment où je vais lancer un petit podcast sans grande prétention, très franchement, si ce n'est partager mon expérience, ce que j'aime, et échanger avec vous. Et donc, en tout cas pour moi, c'est fini pour 2017 et ce RPG A Day. Merci encore tous d'avoir pu regarder mes vidéos, de les avoir commentées. Et puis je vous dis à très bientôt au travers d'une prochaine vidéo pour vous présenter OpenJDRI. Et puis d'ici là, jouez bien, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.